Chapitre 6e. L'animal est meilleur. Le matin, après sa première découverte du livre de Wollin, Karim sort de l'hôpital. En conduisant sa petite voiture, il songe à sa lecture durant la nuit. Pourquoi les êtres humains sont tellement méchants? Y compris beaucoup parmi ceux qui croient ne pas l'être, tels ces bolcheviks. Pourtant, ils ont enduré cruellement l'humiliante domination tsariste et l'ont combattu résolument. Cependant, après avoir conquis le pouvoir, ils se sont comportés comme les tsaristes, en massacrant des travailleurs qui voulaient des soviets réellement autogérés. Comment expliquer ce mystère comportemental? Quelqu'un a-t-il examiné et éclairci ce problème fondamental? Il faut que je le demande à mon vieux sage. Arrivé près de la toura où il habite, Karim parque son petit et ancien véhicule, puis se dirige vers l'immeuble. Sur son chemin, il remarque une vieille femme, assise par terre, parmi les détritus, le voilà baissé sur ses genoux, elle sanglote en secouant ses épaules. Karim s'apprête près d'elle. « Yama, qu'as-tu ? » Elle lève sur lui un visage triste en larmes, ridé par les aléas d'une pauvre existence. « Ma fille m'a jeté hors de la maison, et je ne sais pas où aller. »« Ta fille ? Pourquoi ?»« Sincèrement, voilà, je l'ignore. » »« Je sais uniquement qu'elle a des problèmes dont j'ignore la nature. Ce matin de bonne heure, elle m'a déclaré soudain, « Foulcan, je ne veux plus te voir ici. » J'ai essayé de la faire raisonner, en vain. Elle était prête à me frapper si je ne quittais pas la maison. Étonné, Karim dévisage plus attentivement la malheureuse. « Il est vrai, se dit-il, que notre société est ébranlée dans ses fondements les plus sacrés, mais à ce point ?» La vieille infortunée ajoute. « Même l'enfant d'un animal ne ferait pas ça à sa mère. À quel temps nous vivons? Quel temps maudit? Qu'avons-nous donc fait à Dieu pour l'irriter ainsi contre nous ?» Ah, ce systématique recours à Dieu, se dit en lui-même Karim, excédé de voir le degré d'aliénation dont est victime le peuple. Karim parvient néanmoins à obtenir plus d'informations sur le drame de la vieille femme. Elle vient du bidonville des planteurs situé sur le flanc de la montagne voisine du Mourjadjo. Souvent, Karim, en allant à la mer, jette un coup d'œil à ce lieu de misère. Sa vue lui serre le cœur. La sensibilité de Karim devine facilement les effroyables détresses et les atroces tragédies qui grouillent dans un tel endroit, où l'affreux dénuement contraint aux actes les plus insensés. Karim propose à la femme de la raccompagner chez elle. Toute surprise, elle murmure. « Vraiment, vraiment. Oh, mon enfant, que Rabbi soit toujours avec toi et bénisse ton père et ta mère. » Durant le trajet, Karim éprouve une espèce d'angoisse. « Je n'ai jamais été dans cette zone. Là, les gens se méfient des personnes qui y viennent. Sur moi, la peur de la police et de ses mouchards. » Dans un endroit pareil où les gens se sont réfugiés par manque de travail et de ressources pour survivre, il est certain qu'ils emploient des moyens non conformes aux lois en vigueur, lesquels ne sont pas conçus pour les pauvres. Ces derniers n'ont pas le choix, enfreindre ces lois ou crever. Pour ne pas subir cette seconde alternative, leurs armes sont la ruse et la violence. Qui n'agirait pas ainsi dans leurs conditions? En montant le flanc de montagne, tandis qu'il s'approche du bidonville, Karim sent le cœur battre plus fort dans sa poitrine. Il est conscient que ses habits et son véhicule, même modestes, attireront les yeux, donc la convoitise des uns et la défiance chez d'autres. Ces derniers le prendraient soit pour un mouchard de la police, soit pour un concurrent dans le trafic de drogue ou de la prostitution. « Courage, Zorro, se recommande l'intrus. Tu t'es jeté dans la jungle, alors il faut aller de l'avant. » Son véhicule pénètre lentement dans le bidonville. Au fur et à mesure, Karim est envahi de chagrin en observant la hideuse indigence, l'insupportable saleté, des regards hagards, méfiants ou hostiles, des tout petits enfants aux pieds nus et aux habits aux lambeaux. Le chagrin laisse place à l'indignation. Un État qui abandonne les citoyens dans de telles conditions est illégitime. Comment ces gens ne se révoltent pas, même en risquant de perdre ce qui, à bien considérer, n'est pas une vie? Ici, ici, lance la vieille femme dans la voiture en pointant un index tremblant vers une direction. L'endroit est un taudis, mur de vieux parpaings gris, toit de tôle en zinc, une espèce de porte branlante en vieux bois rabougri et troué, des immondices puantes tout autour, où fouinent de maigres chats la rochette d'une improbable pitance, et l'odeur âcre d'urine. Karim en est écœuré puis révolté. Il pense à l'ex-Moudjahid suicidé. Lui et ses compagnons avaient-ils combattu et consenti des sacrifices suprêmes pour en arriver à ça? Karim arrête sa voiture, puis salue avec gentillesse la femme en l'invitant à rejoindre sa maison. « Oh, mon enfant, j'ai peur, avoue-t-elle, Que Dieu bénisse tes parents. Je te prie de venir avec moi. J'espère qu'à ta vue, ma fille ne me rejettera pas dehors. Zorro a besoin de quelques secondes pour se décider. Il n'aime pas se mettre dans une situation délicate. La tension et la violence, quelle que soit leur forme, l'ont toujours mis très mal à l'aise. Un soir, dans le passé, il avait vu sur une cassette vidéo le film Orange Mécanique du réalisateur Stanley Kubrick. Une scène est restée incrustée dans l'imaginaire de Karim, celle où le jeune chef de bande, Alex, à la vue d'un acte de violence, est soudain pris de crampes d'estomac au point de plier brutalement le corps en deux en cherchant à vomir. Cette réaction du personnage fit comprendre à Karim combien, quant à lui, il est traumatisé par les tragédies sanglantes dont le peuple fut victime en Algérie, au point que lui aussi, Karim, éprouve un très amer besoin de vomir devant toute menace ou manifestation de violence. Comprenant que la vieille femme, terrorisée par l'éventuel accueil de sa fille, reste immobile dans le véhicule, Karim se résout à l'accompagner malgré sa répugnance et sa crainte de subir un mauvais moment. À peine entré dans ce qui fonctionne comme demeure, Karim et la vieille mère trouvent la fille en compagnie d'un garçon. Les deux semblent avoir une trentaine d'années chacun. Avec une hostilité déclarée, leur regard se fixe sur les nouveaux venus avec l'air de dire « Que venez-vous foutre ici ?» En les observant attentivement, Karim comprend rapidement, étant donné son expérience à l'hôpital. Les yeux vagues, les visages terreux et le maintien mal assuré du garçon et de la fille indiquent les typiques effets d'une prise de drogue. Soudain, Karim se rappelle. Voilà une semaine environ, ce même garçon était venu aux urgences, complètement terrassé suite à une prise excessive de cheetah. Karim n'en dit rien. Le garçon, furieux, se tourne vers sa compagne. « Quoi? T'es un nouveau Mac, maintenant ?» Affolée, elle recule d'un pas. « Je ne connais pas ce type, c'est maman qui l'a amené. » Elle se tourne avec colère vers sa mère. « Qui est ce type ?»« D'une arabe ? » ?»« Nom de Dieu !»« Pourquoi l'as-tu porté ici ?» La vieille femme, tout embarrassée, balbutie. « Il m'a trouvé dans la rue en pleurant. Et il a eu la générosité de me ramener chez moi, c'est tout. »« Générosité ?» grogne le garçon, sarcastique, très méfiant. « C'est quoi ça, la générosité ?» Il se tourne vers la fille, très soupçonneux. « Qui me prouve que toi et ta mère, vous n'êtes pas des chiennes complices et que vous n'avez pas de rapport spécial avec ce type ?» Menaçant, la main droite soudain agitée, il s'approche de la fille, la contraignant à mettre rapidement la main tout près de sa joue pour éviter une éventuelle gifle. Arrivé tout près d'elle, le jeune s'arrête et d'un regard qui s'efforce à être perçant, il scrute les yeux de son ami. Épouvantée, elle baisse la tête et recule. « Regarde-moi, chienne » hurle-t-il. Encore terrifiée, elle obéit et demeure immobile, silencieuse, extrêmement tendue, dans l'attente du pire, la violence physique de son compagnon. Lui se tourne brusquement vers Karim, de l'air le plus affreusement hautain qui rend son visage très laid. « Si tu la veux, » déclare-t-il en indiquant la fille, « je te la vends. Crache ton fric, et le maximum. Car tu le vois, elle est belle, la chienne. » Il y a de quoi consommer et vendre, et pendant longtemps. C'est un vrai basnas. Karim l'observe en s'efforçant de garder son sang-froid. Il déclare avec une calme fermeté. Ce que dit la mère est vrai. Je l'ai rencontrée dans la rue alors qu'elle pleurait, et j'ai proposé de la raccompagner chez elle, rien d'autre. Simple devoir envers une personne qui a besoin d'aide. Moi, je suis infirmier. Infirmier ? S'étonne brusquement le drogué, avec un certain plaisir. « Alors on peut s'entendre, toi et moi ?»« Tout ce que je peux faire, » répliqua Karim, « c'est de te soigner quand tu en auras besoin. Tu me trouveras à l'hôpital, où tu as été voilà une semaine. Moi, à l'hôpital, voilà une semaine. » ?»« Il me semble que oui. Et c'est moi qui t'ai soigné. Une ambulance t'avait ramassé dans la rue, presque mort. » Le garçon remue instinctivement la tête de droite à gauche pour se rappeler l'événement. Ses yeux prennent une teinte vague. Sa main droite s'approche de ses lèvres que ses ongles noirs de saleté torturent un moment. Karim attend qu'il se remette à parler. L'autre demeure comme hébété. Karim s'adresse aux deux drogués d'un ton amical et modeste. « Si l'un de vous a besoin de mon aide, je suis à l'hôpital, où tu fus transporté la semaine dernière. Mon nom est Karim, au service des urgences. » Puis il s'adresse avec politesse aux trois personnes ensemble. « À présent je pars. Assalamu alaikum. »